chanterai-je l'oiseau sur la branche en plein été, le soleil jouant sur les toits d'une vallée, le torrent glacé des montagnes roulant ses cailloux à nos pieds depuis l'Espagne. Chanterai-je l'oubli sans parent de la mémoire, les sources taries où les troupeaux allaient boire. Dirai-je l'arbre trahi qui ne cache plus la forêt, l'homme l'a pris. L'oiseau qui s'est envolé n'a plus de nid, mais il continue de chanter. C'est canto. Chanterai-je tous ces regards perdus dans les flammes et les enfants blottis entre les bras des femmes. L'hiver venait, le grand silence dans les vallées, ils se rassemblaient pour la danse. Chanterai-je l'absence se glissant dans leurs yeux, l'ennui du style et des médias qui les rend vieux. Dirai-je l'envie des mots qui les berçaient dans le parler de leur pays. Les mots se sont envolés, ils sont partis, mais ils continuent de chanter. C'est canto. Chanterai-je cette terre vendue à l'encan, ces villages entiers bradés aux plus offrants, ces volets fermés à l'année, aux pierres peintes clignant de l'œil en été. Chanterai-je le désert des monts abandonnés, le regard des enfants perdus dans les cités. Dirai-je la voix de ceux qui sont partis, moi qui ne suis même pas d'ici. Et si leurs voix se sont tues, eh bien tant pis, d'autres continuent de chanter. C'est canto. C'est canto. C'est canto. C'est canto. C'est canto.